La France pendant la Deuxième Guerre. Deuxième partie, la vie sous l'occupation. Malgré ces événements politiques, pour les Français, il a fallu que la vie continue, qu'il soit sous la botte des occupants ou sous le régime quasi-fasciste de Vichy. La collaboration n'a pas empêché le pillage économique du pays par les Allemands, ce qui a rendu très difficile la vie quotidienne des Français. Le rationnement alimentaire était l'aspect le plus pénible, avec des rations modulées en fonction de l'âge et de l'activité. Le rationnement donnait droit à l'équivalent de 1200 à 1800 calories par jour, suivant l'âge, à peine le minimum vital. Dès l'automne 1941, tous les denrées étaient réquisitionnées. En 1944 à 1945, la viande et le beurre ont disparu de l'alimentation de beaucoup des Français. Il fallait se contenter d'une maigre nourriture. C'était le temps du rutabaga, du chou rave, et la chicorée ou l'orge grillée servait à remplacer le café. On a développé le système D, c'est-à-dire on se débrouillait en utilisant des ersatz, ce qui signifiait des produits pour remplacer ce qui n'était pas disponible. Citons par exemple des semelles de chaussures en bois pour remplacer le cuir, le café à base de pois chiches, les cigarettes aux feuilles de tournesol. Étant donné la pénurie de beurre et d'huile, il y en avait même qui cuisinaient avec de la brillantine. Le gazogène remplace l'essence de voiture. Paris n'a plus de voitures civiles, mais des vélos-taxis. On y cultive même des légumes au jardin des Tuileries. Seul un quart de la population, essentiellement des ruraux, ont pu se ravitailler correctement. Plus de la moitié des Français, des citadins surtout, ont connu la faim et le froid de l'hiver. Encore pire était le sort des hommes, femmes et enfants, communistes, juifs, étrangers, internés dans les camps français. Beaucoup d'eux sont morts de faim ou par négligence. La vie était moins difficile pour les habitants des campagnes, qui pouvaient cultiver leur propre nourriture, mais même ceux-ci devaient fournir une partie de leur production aux autorités. On se plaint des Allemands qui nous prennent tout, des épiciers, des paysans bien nourris, du gouvernement impuissant. Le marché noir. Un effet de cette pénurie était le développement d'un marché noir très prospère pour certains Français, qui vendaient à des prix très élevés des produits devenus rares, comme du beurre, de la viande et des œufs. La prolifération à grande échelle du marché noir a aggravé encore les inégalités sociales. Un kilo de café a atteint 1000 francs, la moitié d'un salaire moyen à Paris. Aux pénuries de biens s'ajoute le manque de logement. On compte des millions de sans-abri. Beaucoup d'entreprises ont fermé et les terres ont été laissées à l'abandon. Le chômage a grimpé. Le désordre économique s'est accompagné d'une hausse brutale des prix officiels, multipliée par 3. Et le franc a perdu 3/4 de sa valeur. Il y a eu une baisse générale du niveau de vie. La vie continue. Il s'agissait de 4 années d'humiliation durant lesquelles il a fallu vivre avec l'ennemi et trouver de quoi manger et se chauffer. Mais on a aussi chanté, dansé, rempli les stades et les cinémas. Les activités culturelles, sportives et artistiques ont connu un essor formidable. Les salles de cinéma se sont remplies 2 fois plus qu'avant-guerre. Paris est devenu un lieu de repos pour les soldats allemands en permission. Et ils ont fait prospérer les hôtels, les restaurants, les commerces de luxe, les cabarets et même les bordels. Certains ont été choqués par ce phénomène. Comment peut-on s'amuser lorsqu'on déporte et qu'on fusille? On parle de défaitisme. Mais sans doute faut-il voir là un réflexe de survie. Le même qui explique la baisse du taux de suicide et la reprise de la natalité en France. Le baby-boom date de 1942 en France.